est entré dans le blues. Un pendentif, un cas autour du cou. Mon cœur pour elle s'est mis à genoux. Et mon tankard est devenu fou. Fou à tomber à genoux. Chou, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Faut pas et tu tombes à genoux. Show me the way for loving you. De légitime offense. Je plaide victime et sors ma défense. Je la croyais pure, ce n'était qu'une ombre. Je suis une proie facile pour grossir le nombre. Fou à tomber à genoux. Qu'elle m'a dit, c'est tout. Faut pas et tu tombes à genoux. Show me the way to live in you. Encore au cœur de son corps. Je ne cesse de redoubler l'effort. Petite vie, petite mort. Oh, délivrez-moi de son corps. Fou à tomber à genoux. Chou, ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Faut pas et tu tombes à genoux.